Je suis un inventeur de plans, du moins c'est ainsi qu'on aurait qualifié mon métier au XVIIIe siècle. Mais je ne suis pas un homme du XVIIIe siècle, j'appartiens au siècle de la vitesse et des avions. Ce sont ces mots a priori contradictoires tirés des premières pages du livre de Marc Janson intitulé « Botaniste » qui en résume l'inextricable paradoxe, celui d'un amoureux des plantes qui trace son chemin dans celui des grands naturalistes du siècle des Lumières à l'heure de la génomique, du changement climatique et de la caractérisation du vivant comme d'un holobionte. Comment, entre New York et le Sulawesi, le métier de botaniste n'a jamais été aussi contemporain ? Marc Janson, inventeur de plantes, c'est le programme exploratoire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Marc Janson. Bonjour Nicolas Martin. Merci beaucoup d'être venu au micro de la méthode scientifique. Vous êtes docteur en systématique végétale, botaniste, conservateur de l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous publiez donc avec Charlotte Fauve chez Grasset, botaniste. Je vais commencer par lire en fait les tout premiers mots qui résument un peu ce paradoxe dont je parlais à l'instant. J'ai toujours rêvé de m'endormir dans une serre. New York est une ville de verre et d'acier qui m'a aidé à réaliser ce désir fou. En imaginant ce que pouvait devenir cette mégapole minérale, je m'y suis tissé un cocon de feuillage et d'air pur, et quelques lignes plus loin, souvent les gens s'étonnent que je puisse à ce point aimer l'urbain, mais peut-être est-ce le propre de l'amoureux des plantes que de savoir toujours s'en entourer. C'est curieux pour un livre qui s'appelle Botaniste de commencer par une éloge de la ville. Oui, effectivement. Enfin, l'espèce humaine a tendance à être de plus en plus urbaine. C'est quand même dans ces zones-ci que sont concentrés les pouvoirs politiques, économiques, certaines sensibilités, des idéaux politiques peut-être nouveaux. Donc, le monde sera de plus en plus urbain et je pense qu'il faut le prendre en compte. Et comme je le dis, de toute façon, les plantes sont partout. Il suffit de savoir les voir et de savoir aussi parfois s'en entourer. Donc, je vois pas forcément un paradoxe aussi manifeste qu'il peut l'être en apparence. Parce que ce livre navigue entre plusieurs pôles qui sont des pôles qu'on pourrait a priori imaginer justement un peu antinomiques, le passé naturaliste et le présent hyper technologique qui est devenu le travail du botaniste, la ville qui est omniprésente et les campagnes à l'autre bout du monde ou les forêts sauvages mais qui en même temps sont en train de se dépeupler même en termes de flore autant que de faune. Il n'y a pas une sorte de position comme ça qui est un peu d'une position d'équilibriste entre deux états du monde ? Non, parce qu'il y a un constat à faire. Ce constat, on le fait dans les milieux naturels, ou en tout cas dans les milieux avec une dominance naturelle, disons, puisque cette idée de la nature pure est toujours remise en question et toujours un peu difficile. Et puis ensuite, il y a les outils qu'il faut développer pour pouvoir, une fois que le constat, que la collecte a été faite, il faut avoir les outils pour pouvoir analyser ce qu'on a récolté, comprendre le sens de ce qu'on vient de faire. Et pour faire ça, il faut revenir dans les villes, puisque au-delà de ce que les premières caractéristiques que je donnais, c'est aussi là que se trouvent les outils scientifiques et les collections scientifiques. Les grands herbiers sont à Paris, le plus grand au monde. Le deuxième plus grand au monde est à New York. Donc on est obligé de passer vers ces centres de savoir et de dépôts de collection pour pouvoir comprendre et donner du sens, interpréter les résultats qu'on a pu collecter sur le terrain. Donc il y a toujours cet aller-retour à faire. Plus qu'un paradoxe, donc ce serait une sorte de recollection, de pont entre le passé et le présent, entre un métier qui a un héritage historique, hein, on va y revenir puisque vous en parlez absolument abondamment dans votre livre, et puis en même temps aujourd'hui une implantation extrêmement technologique. Oui, absolument. Et sans aller jusqu'au très technologique, c'est effectivement un des propos du livre, en tout cas une de ses ambitions, c'est de montrer que finalement, entre le 16e siècle et l'invention des herbiers comme outil scientifique pour décrire les plantes et aujourd'hui, il y a toute une quantité de gestes qui n'ont pas changé, qui sont pratiqués exactement de la même façon aujourd'hui. Et après, effectivement, c'est les savoirs nouveaux, les techniques nouvelles qui vont nous permettre de réinterpréter peut-être ces collections du passé. Mais il y a une même quête et un même espoir peut-être, c'est de décrire le vivant et de le mieux comprendre. Alors, quand on reçoit des chercheurs, des scientifiques ici, il m'arrive souvent de poser la question de la vocation. Or, la question de la vocation, je ne vais pas vous la poser, puisque vous y répondez en partie dans le début de ce livre. Vous racontez votre enfance, qui est paradoxalement, là aussi, c'est vrai que je trouve beaucoup de paradoxes là-dedans, qui est une enfance qui se passe à la campagne, mais dans une campagne extrêmement anthropisée. C'est-à-dire que vous êtes au milieu des champs, au milieu d'une nature qui a été finalement domptée, réarrangée, et vous dites que, enfant, vous allez chercher au contraire les derniers petits espaces sauvages. Oui, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, la nature ou ce qu'on peut appeler le sauvage peuvent se trouver dans des tout petits interstices. On associe toujours la nature pure, la nature sauvage aux grands bassins forestiers du Congo, de l'Amazone, etc. Mais dans chaque petit recoin laissé avec le moins d'impact possible de l'homme, toutes ces zones qu'on n'aime pas, ces zones qui sont trop pentues, ces zones qui sont inaccessibles, ces zones qui sont vaseuses ou un peu trop humides, vont être à leur tour des zones refuges pour que la nature puisse s'y développer. Il y a un rapport à l'échelle aussi, je crois, qui est un petit peu faussé. La nature peut se cacher dans toutes sortes d'espaces, même les plus petits. Vous expliquez que vous dites, hein, ce qui m'intéressait, c'était l'eau stagnante, de préférence putride, la boue était mon trésor, je ne vivais que pour elle. Oui, parce que c'est vraiment dans ces zones qu'on a... Ben, c'est des zones qui m'ont toujours intéressé, parce que justement un peu délaissées, parce que facile à trouver, c'est-à-dire qu'il y a quand même des zones humides régulières, enfin qu'on peut trouver régulièrement sur le territoire, et c'est des zones qui sont très très riches en biodiversité, très très riches en adaptation des plantes et des animaux à ces milieux particuliers, et c'est vrai que instinctivement c'est vers ces zones-là que je me suis tourné. Mais ce qui fait sens, ce qui était important, je crois, quand je raconte ces épisodes de mon jeune âge, c'est pour parler de ça, bien sûr, pour parler de la nature et de l'état de la nature, mais c'est aussi, je crois, pour évoquer ce qu'on appelle la plant blindness, c'est-à-dire l'aveuglement aux plantes, puisque ce que j'explique, c'est que je suis entouré de plantes, que j'y passe presque des journées entières, et que finalement, je ne les vois pas en tant qu'être biologique, mais je les vois beaucoup plus comme un décor. Et ça, c'est assez classique, c'est très répandu, c'est-à-dire que les plantes sont absolument partout, mais pourtant, on a du mal à leur donner un nom, on a du mal à savoir qui elles sont, et c'était aussi pour dire que, même en tant que botaniste, j'ai dû faire cette espèce de poser ce regard un petit peu particulier sur les plantes pour commencer à les comprendre et à les aimer, et que même si j'ai grandi très exposé aux plantes, ça ne m'a pas été donné tout de suite. Donc c'était pour dire aux gens qu'il y a toujours un espoir et que à n'importe quel moment, on peut commencer à voir les plantes comme les êtres biologiques incroyables qu'elles sont. Avant de faire des herbiers, finalement, votre première collection, c'est une collection de bocaux. C'est-à-dire que de ces zones-là, vous ramassez de la terre, des extraits, des animaux même. Oui, alors il y a eu toujours, c'est vrai, un intérêt pour la catégorisation, la collection, l'accumulation, la compréhension, et qu'elle soit botanique ou zoologique, finalement, elles servent le même objectif et elles partent probablement de la même passion, toutes ces collections. Parce que vous hésitez pendant un temps, hein, entre, c'est le vivant qui vous intéresse définitivement, très clairement, mais c'est pas immédiatement les plantes, ça peut être dans un premier temps, d'ailleurs vous faites l'école vétérinaire pour commencer, c'est plutôt les animaux. Oui, absolument. Ben, on vit dans une société qui est quand même assez dominée par la zoologie, par l'intérêt pour les animaux et par l'humain aussi quelque part. Il y a un lien évidemment entre les animaux et les humains. Et les plantes sont un petit peu laissées de côté. Même dans les campagnes où j'ai grandi, les gens parlent volontiers des oiseaux. Ils savent ce que c'est qu'un bouvreuil, ils savent reconnaître un renard. Mais une ombellifère ou une lamiacée, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc j'ai simplement mis du temps avant de questionner cette espèce de différenciation de traitement entre les plantes et les animaux. Vous dites d'ailleurs que votre intérêt, il y a tout un passage où vous expliquez que c'est l'école vétérinaire qui finalement va vous faire basculer du côté de la botanisme, mais vous dites en même temps, botaniste est un métier qui n'existe plus. Oui, c'est-à-dire que, alors il existe encore, heureusement, mais et ça j'espère qu'on en reparlera tout à l'heure, il existe probablement pas du tout à la hauteur des défis qui sont contemporains et qui devraient nous pousser à former beaucoup de botanistes et à encourager la formation des botanistes. Moi j'ai appartenu à une génération où il y avait encore moins d'accès à ces formations en botanique, aujourd'hui ça revient un petit peu, mais c'est vrai que c'était un métier qui avait complètement disparu. Cette rencontre avec le métier de botaniste ou avec le milieu végétal, c'est aussi une rencontre avec des auteurs, puisque vous en parlez beaucoup, hein, le livre est construit entre des allers-retours entre le présent et le passé, les grands botanistes, les grands naturalistes. Le premier d'entre eux, quel est le premier que vous avez lu d'ailleurs, Marc Janson? Francis Allais. C'est Francis Allais? Oui. Qui est un de ces grands botanistes français. Je trouve qu'en France, on a eu quand même des botanistes exceptionnels ces dernières décennies, qu'on n'en a peut-être pas assez conscience, mais des gens comme Francis Allais ou comme Patrick Blanc, que j'évoque aussi abondamment dans le livre, ont été à la fois des grands botanistes et, je crois, vraiment des inventeurs de nouveaux concepts, que ce soit l'architecture des arbres que Francis Allais a développé avec Oldeman, ou cette espèce d'approche très particulière d'éthologie végétale qu'a développé Patrick Blanc. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant, mais c'est vrai que j'ai étant donné que j'ai pas pu avoir la chance d'avoir accès à des cours de botanique dans mon adolescence, c'est vrai que c'est par les livres et par la transmission par le livre que la découverte et que la passion est née. Patrick Blanc, c'est le botaniste du présent, hein. C'est même la volonté de le rencontrer qui va déclencher quelque chose. Vous dites, il faut absolument que je rencontre cet homme qui est particulier puisqu'il se teint les cheveux en vert, il a les cheveux verts, l'homme aux cheveux de fougère, vous l'appelez. Oui, et puis surtout, c'est un botaniste extraordinaire qui a une connaissance absolument encyclopédique des plantes, et il passait à la télé, et il y a peu de botanistes à la télé, donc quand je l'ai vu, je me suis dit qu'effectivement, ça doit être quelqu'un à rencontrer. S'il existe un être qui comprend la forêt mieux que quiconque, c'est Patrick Blanc. Être en forêt avec lui, c'est la redécouvrir. Pourquoi ? Parce que Patrick est à la fois... C'était page 199 du livre, pardon, je le lis comme ça. Parce que Patrick est à la fois quelqu'un qui connaît très bien les plantes, donc qui peut les nommer, qui connaît les caractères propres à analyser pour donner un nom aux plantes, et c'est aussi quelqu'un qui les connaît intimement, c'est-à-dire qui s'intéresse aussi à leur comportement. Il essaye de comprendre comment elles croissent, comment, en vivant dans des milieux aussi faibles en énergie, elles s'adaptent pour concentrer cette énergie, et c'est vraiment quelque chose d'unique à ma connaissance, et qui est propre à pratique. C'est-à-dire qu'on a à la fois une vision taxonomique de la composition des espèces que l'on rencontre, mais aussi de leur comportement propre, qui explique aussi comment toutes ces espèces, essentiellement de sous-bois, puisque Patrick Blanc est un spécialiste des plantes de sous-bois, comment elles arrivent à coexister ensemble et à développer des patterns d'évolution assez uniques et assez propres à ces milieux de sous-bois. Alors ça c'est pour le présent. Votre livre, hein, je le disais, est un dialogue entre votre présent à vous, notamment la rédaction de votre thèse, entre vos différentes expéditions, votre séjour à New York, hein, on va en reparler, qui est assez fondateur sur un certain nombre de choses. Et le premier botaniste que l'on rencontre, alors c'est pas Allais, le premier botaniste qu'on rencontre dans votre livre botaniste, c'est Michel Adanson et son histoire naturelle du Sénégal, qui était aussi une lecture importante. Oui, absolument, absolument, parce que c'est cette idée que ces explorateurs... Alors, il y a un côté hommage dans ce livre, j'espère que les lecteurs le sentiront, le percevront, pardon. Parce que Adanson, c'est vraiment, il fait partie de cette qui était-il, dites-nous en quelques mots. Alors Michel Adanson, c'était un naturaliste, comme on les faisait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il s'intéressait aux plantes, mais aussi aux coquilles. Hein. Il a fait une publication importante sur les coquilles. Et c'est ce naturaliste qui travaille au muséum, enfin au jardin royal à l'époque, et qui va partir au Sénégal. Ça va être le premier Européen à s'installer pendant des mois au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, pour y décrire les êtres vivants qu'il va y rencontrer, mais aussi les végétaux. Et cette découverte qu'il va faire de la flore tropicale va être tellement fondamentale pour lui, par rapport aux critères qu'il avait, la connaissance qu'il avait des plantes de milieu tempéré, que lorsqu'il va découvrir toute cette diversité tropicale, il va définir un ouvrage, une nouvelle méthode de classification qui sera publiée dans Famille de plantes. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la botanique dans les concepts nouveaux qu'il a apportés, mais aussi dans cette espèce d'humilité et de courage qu'il a eu à quitter la France pour aller dans des zones qui n'étaient absolument pas connues. Et puis, il y a un côté humaniste chez lui qui, c'est vrai, me touche, puisque c'est quelqu'un qui a appris le Wolof, la langue locale, qui s'est vraiment intégré, comme on pourrait le dire aujourd'hui, aux populations locales pour essayer de mieux comprendre leur rapport à la flore, leur rapport à la faune, et utiliser leurs connaissances pour définir la sienne propre. Ce rapport avec les grands naturalistes, avec leurs textes, avec leurs récits de voyage, ça veut dire que botaniste, c'est aussi une vocation littéraire, qu'il y a une dimension littéraire dans votre rapport à cette profession ? Alors la dimension littéraire, c'est plus Charlotte Fauve qui l'a apporté dans ce livre, indéniablement, mais il y a un rapport au texte, oui. Ça c'est certain, puisque être botaniste aujourd'hui, c'est parfois revenir sur des espèces qui ont été décrites il y a des dizaines d'années, voire des siècles. Et donc, ça implique en permanence de revenir sur les textes anciens, les publications anciennes, pour continuer à comprendre ce vivant et à encadrer les notions d'espèces qu'on manipule tous les jours. Et les récits d'expédition aussi. Et les récits d'expédition aussi, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette espèce de continuité dans les vocations, dans les efforts qui ont été développés depuis des siècles, et dans les gestes, dans les approches. Et je crois que ce qui était important, c'était de parler de ça. Et c'est aussi la façon dont l'herbier est constitué. C'est-à-dire quand vous arrivez dans l'herbier national au muséum à Paris, que vous allez dans ces étagères, vous pouvez sortir des spécimens cueillis avant-hier ou des spécimens qui ont été ramassés il y a plusieurs siècles. Donc il y avait cette idée de coexistence qui est présente dans la façon dont les collections sont organisées, qu'on voulait aussi retenir dans le livre. On va revenir sur l'herbier, parce que c'est certainement l'un des, peut-être le deuxième ou le troisième personnage central de ce livre botaniste. Mais avant ça, c'est vrai que donc vous le livre fait cette bascule entre le passé et le présent, entre des récits d'expédition et puis finalement un travail extrêmement minutieux qui est une rencontre avec avec ce grand herbier du Muséum national d'histoire naturelle qui va être en plus rénové pendant que vous y travaillez. On a du mal à savoir exactement quelle est votre première expédition, mais on a le sentiment que en tout cas elle est pas tout à fait de tout repos. C'était laquelle, Marc Janson? La première expédition, ça c'est une bonne question. La première expédition, la vraie expédition, où vraiment il y a eu des collectes, etc., c'était au Mali. C'était au Mali. Et elle n'était pas de tourpeau parce qu'effectivement, c'est pas des zones... Alors, j'ai eu la chance d'y être avant que les troubles que l'on connaît aujourd'hui éclatent. Mais il y avait aussi cette première découverte du terrain, de l'âpreté du terrain aussi, parfois. Encore une fois, il y a des liens communs avec ces naturalistes du passé. Être explorateur, explorateur à leur époque, ou en tout cas être botaniste aujourd'hui, ça passe, à mon avis, par le terrain. C'est vraiment une étape essentielle. Et souvent, les gens nous disent, ah oui, tu pars en vacances encore 3 semaines, mais évidemment, ce sont pas du tout des vacances. Et faut savoir aussi qu'effectivement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que la nature est en tout cas les milieux un minimum protégés sont de moins en moins accessibles et c'est pour ça qu'ils sont laissés parce qu'ils sont en hauteur, parce qu'ils sont en pente, parce qu'ils sont dans des endroits difficiles d'accès. Et donc il y a aussi une vraie quête qui parfois passe par des moments assez difficiles. Vous dites le rapport au sauvage est spécial. Planter mon hamac avec moustiquaire intégré à 1,20 m du sol pour éviter les pires saloperies de bestioles, discuter avec mes compagnons, lire un livre à la bougie, marcher 1 heure, rebrousser chemin, dialoguer avec des villageois pour dénicher une fleur. On retrouve un peu tout de même ce sentiment d'aventure qu'on peut trouver dans les récits des grands naturalistes du 18e. Oui, sauf qu'aujourd'hui, le monde est quand même beaucoup plus balisé qu'à leur époque, donc on est quand même avec les GPS, alors c'est pas toujours le cas, mais globalement, on sait quand même à peu près où on se trouve. Par contre, ce qui est important, voilà, c'est la présence des gens que l'on va rencontrer, qui vont nous renseigner, qui vont nous donner des informations, et ça n'a pas changé depuis Adanson, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous fondez aujourd'hui encore vos expéditions de collecte, hein, puisque ce sont des expéditions que vous faites pour faire du recensement du vivant, on y reviendra d'ailleurs sur ce recensement qui est loin d'être terminé, et vous fondé encore beaucoup sur les connaissances locales, sur les connaissances populaires? Oui, parce que les forêts, parfois, renferment des pièges. Le monde a connu des conflits, des choses comme ça. Quand on va au Vietnam, souvent, près de la Ho Chi Minh Trail, il y a des mines, il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire comment accéder à la forêt. Et puis, souvent, c'est des forêts qui sont souvent non, mais parfois encore habité par des gens qui tirent leur subsistance, qui tirent un vrai moyen de vivre, et on ne peut pas rentrer comme ça chez les gens. Donc il y a toujours le besoin et l'intérêt de s'associer aux gens qui connaissent vraiment ces zones et qui peuvent vous y accompagner. Ça c'est pour le terrain, le travail dans les bibliothèques du vivant et les bibliothèques botaniques que sont vous racontez d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, hein, l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle. C'est un personnage du livre, c'est l'un des personnages principaux, peut-être le deuxième à côté de vous, voire le personnage principal. En tout cas, sans lui, le livre n'aurait pas vu le jour, c'est certain. Comment ça se passe? Racontez-nous cette première rencontre avec l'herbier, parce que quand on rencontre l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle, vous parlez d'une tour de Babel botanique. On rencontre pas que l'herbier, on rencontre aussi tous les gens qui travaillent dessus, autour, sa rénovation. Enfin, c'est un univers, quoi. C'est une sorte de bibliothèque d'Alexandrie. Bien sûr, c'est une collection scientifique, c'est pour ça que l'accès n'est pas autorisé pour le grand public, donc cet ouvrage, avec ses moindres moyens, il essaye de faire ça, de prendre les visiteurs par la main et de leur dire, venez, je vais essayer de vous exposer à cette collection à laquelle vous n'avez pas accès, mais c'est aussi une collection qui est la mémoire de ces explorateurs dont on parlait, la mémoire de leur voyage et la mémoire, l'archive, des archives de la planète, puisque ces spécimens, dans leur extrême majorité, sont datés et localisés, c'est-à-dire qu'on sait exactement, à 3 siècles ou 3 siècles et demi de recul, où se trouvait telle espèce et quand elle a pu être collectée, ce qui fait que c'est vertigineux, puisque ça nous donne cette espèce de possibilité de faire des études diachroniques entre cet hier et aujourd'hui, et de comprendre comment les espèces se raréfient, disparaissent ou au contraire, dans certains cas, augmentent leur aire de distribution, et c'est les seuls outils qui sont capables de faire ça. Et au-delà de ça, il y a évidemment des illustrations, il y a des conservateurs qui sont là pour continuer à enrichir ces collections, mais aussi pour valoriser et pour développer des recherches sur ces spécimens. Donc c'est un monde véritablement à part. Vous parlez d'ailleurs des espèces qui sont recensées dans l'herbier comme des personnages de l'herbier. Ce sont des rencontres avec des oui, entités, presque. Alors, des individus. On a, c'est aussi un hommage aux plantes, bien sûr, puisque sans plantes, pas d'herbier, et sans plantes, encore moins de botanistes. Donc, les plantes font évidemment partie de l'ouvrage. On a décidé de garder leur nom scientifique parce qu'elles ont une identité, ces plantes. Et effectivement, j'avais pas pensé à ça, parce que peut-être c'est inconscient, mais effectivement, les plantes sont aussi des personnages. C'est vous qui l'écrivez, page 80, hein, vous parlez des personnages de l'herbier en parlant des espèces. Donc. Oui, alors les personnages de l'herbier, c'est à la fois les espèces et c'est aussi les scientifiques autour, hein. que j'ai eu la chance de connaître, c'est-à-dire des gens qui avaient été formés au début du XXe siècle et qui avaient donc une approche de la botanique qui était propre à leur époque, à une époque où on pouvait collecter beaucoup plus librement, entre guillemets, qu'aujourd'hui, à une époque où les milieux n'étaient peut-être pas aussi perturbés que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Mais les plantes deviennent aussi quelque part des personnages. En tout cas, ça devient de tels objets d'études. Quand on fait des thèses, voire des carrières entières sur un groupe donné de plantes, on finit par les connaître relativement intimement. C'est intéressant parce que vous le dites, hein, je le disais dans l'introduction de cette émission, vous décrivez comme non pas un homme du XVIIIe siècle comme ces grands naturalistes que vous citez, mais comme un homme du présent, du siècle de la vitesse et des avions. Et cette rencontre avec l'herbier, on a l'impression que c'est une rencontre qui va distordre le temps. Vous écrivez comme si l'herbier donnait des leçons de lenteur à quiconque s'y essayait. Oui, bah quand je découvre l'herbier, je n'avais même pas notion de l'existence d'une telle institution. Je ne savais pas qu'au cœur de Paris pouvaient se cacher 8 millions de spécimens de plantes et de champignons, que la plus grande collection au monde était à portée de main à quelques rues de là. Donc c'est vrai que c'est vertigineux. Et il y a tout ce que... Alors évidemment, un herbier, c'est une planche un peu cartonnée, un morceau de papier de 30 cm sur 40 sur lequel vous avez un fragment végétal séché, et surtout il y a une certaine ressemblance, un aspect assez similaire à tous ces spécimens. Donc quand on le découvre pour la première fois, on se dit mais c'est vraiment une accumulation de papier séché, de morceaux de plantes séchées. Et ce qu'on comprend rapidement, c'est que c'est multidimensionnel, c'est-à-dire quand on commence à les connaître et quand on commence à s'y asseoir et à les ouvrir, toutes ces liasses, et à regarder les spécimens à l'intérieur, on se rend compte que ça nous parle, bien entendu, des espèces des espèces qui ont été collectées, des milieux dans lesquels elles ont été collectées, mais aussi des collecteurs qui ont fait cet ouvrage, enfin ce travail de terrain et de récolte et de tout ce temps qui a passé entre la collecte et aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Et d'ailleurs, vous ne dissimulez pas aussi la partie noire de l'histoire que cet herbier raconte. Il y a une histoire sombre, vous dites, par exemple, vous évoquez l'histoire de l'herbier des poilus de la Première Guerre mondiale. Vous parlez aussi finalement des désastres de la conception coloniale à un moment donné, dont on retrouve les traces à l'intérieur de cet herbier. Tout à fait, je ne cache rien parce que tout est là. C'est-à-dire que si on allait ensemble dans l'herbier aujourd'hui, et au hasard des liasses qu'on va ouvrir, on va trouver des photos collées, on va trouver des notes, on va trouver des termes aussi, on désigne l'autre, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette continuité du travail qui est effectué avec des gens locaux qui connaissent ces zones, elle se fait depuis des siècles et ils apparaissent, mais ils apparaissent un petit peu comme des météores, c'est-à-dire on trouve leur nom et puis ensuite ils cèdent le pas derrière le scientifique, mais sans eux, tout ce travail de collecte n'aurait pas pu être fait, et donc c'était aussi un hommage que je voulais rendre à ces gens de terrain qui connaissent une nature différemment de nous, puisqu'ils n'utilisent peut-être pas des noms latins et des noms scientifiques, mais ils ont une connaissance aussi extrêmement pointue et détaillée des plantes qui les entourent. C'est intéressant de voir à quel point finalement, l'herbier que vous décrivez vraiment est comme un ensemble encore vivant, hein, puisqu'il est encore abondé, etc., raconte aussi une histoire de nos sociétés, de l'évolution de nos sociétés, de notre rapport au vivant, de notre rapport au monde végétal. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai du mal à cantonner l'herbier à sa valeur scientifique, bien qu'elle soit absolument éminente et absolument indéniable, mais c'est aussi vraiment un objet porteur de beaucoup d'autres sens et de beaucoup d'autres valeurs. Alors on ira d'ailleurs le visiter un peu tout à l'heure, puisqu'on a eu la chance de pouvoir y glisser notre micro. Mais autour de cet herbier, il n'y a pas que lui, il y a plein de personnages qui ne sont pas les plantes qui gravitent autour. Et alors, par exemple, il y a ce personnage incroyable que vous appelez la chèvre, qui est un pur personnage de fiction, pour le coup, quasiment. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, oui, ça a été un des premiers botanistes qui m'ait fait confiance quand je suis arrivé à l'herbier et qui m'a trouvé 2-3 sous pour travailler avec lui sur des fougères de Polynésie française. C'est vraiment un taxonomiste. Ça, je pense que c'est une profession que les conseillers en orientation ne recommandent pas forcément aux étudiants ou aux lycéens, parce que c'est vrai que ce sont des métiers qui se sont dramatiquement raréfiés. Lui en est un vrai, c'est-à-dire qu'il a une spécialité, c'est la Polynésie française, et il est capable de vous parler des espèces que l'on peut rencontrer en Polynésie française. française avec une érudition absolument extraordinaire. La Polynésie française est un milieu insulaire. On sait que les milieux insulaires sont très fragiles aux espèces invasives, par exemple, au changement climatique, bien sûr, dans certaines zones du Pacifique. Et donc, il a cette espèce de faculté extraordinaire à vous parler des plantes, mais aussi des menaces qui pèsent sur elles et de toute cette structuration de la diversité des milieux en fonction des altitudes, des localités. Et c'est un être plein de ressources et extrêmement humble. Qui s'appelle la chèvre, non pas parce qu'il grignote des écorces de bois, mais parce que... Non, parce que quand il est arrivé en Polynésie française, il y a quelques décennies, il avait cette habileté dans les rochers à grimper le long des pentes de la Polynésie, et on l'avait donc appelé la chèvre. Il y a un autre personnage important au point tel que c'est lui d'ailleurs qui va conclure votre livre, ou en tout cas sa disparition, c'est Gérard Guillemonin, vous pouvez nous en dire un mot ? Gérard Guillemonin a été un grand botaniste qui a passé sa longue vie, comme d'autres scientifiques d'ailleurs, au muséum et plus spécifiquement à l'herbier. Et Monsieur Guillemonin, c'était à la fois, bien sûr, un chercheur, un botaniste qui décrivait des espèces, qui comprenait des milieux, mais qui avait aussi un goût extraordinaire pour la transmission, c'est-à-dire qu'il était vraiment le dernier, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, à l'herbier, à organiser des sessions, donc à ramasser des plantes fraîches, à nous les soumettre, nous les étudiants, nous ses collègues, et à nous apprendre à briser cette espèce de code un petit peu mystérieux, c'est-à-dire comment nommer une plante, ben, faut savoir que regarder, apprendre le vocabulaire, apprendre à poser l'œil au bon endroit et à savoir analyser les formes, et ça a été un de ceux qui m'a appris cette démarche et ce regard, et donc je lui dois énormément. C'est amusant parce que vous l'appelez Monsieur Guillemonin d'ailleurs. Même oui, c'est resté Monsieur Guillemonin, c'était le professeur Guillemonin. Il avait, comme je le dis, voilà, cette tenue, cette cravate, cette chemise, un côté très très élégant comme ça, et un petit peu formel peut-être aussi, qui fait qu'il était évidemment très respecté. Il avait une connaissance, encore une fois, encyclopédique de la botanique et des botanistes. Ce qui est amusant, Marc Janson, ce que je trouvais être un autre des paradoxes de ce livre botaniste, c'est qu'on en apprend beaucoup sur la profession de botaniste, sur certaines de vos expéditions, sur les anciens, sur les contemporains, sur l'herbier évidemment, sur l'évolution de la pratique du métier de botaniste, mais il y a un personnage finalement qui échappe peut-être paradoxalement le plus à l'appréhension, c'est vous. Oui, parce que l'idée, en fait, l'idée de parler de moi n'était pas la première idée qui m'est venue quand on m'a proposé ce projet. Quand Grasset a eu la gentillesse de me proposer ce projet, je parle de gentillesse parce que c'est étonnant. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on fait couramment. Et effectivement, je voulais pas spécialement parler de moi. C'était vraiment l'idée de l'hommage. Et en fait, un livre comme celui-ci, dans la collection jaune chez Grasset, ça doit évidemment se construire. Et en fait, comme on vient de l'évoquer, il y a toutes ces géographies, il y a toutes ces histoires, il y a tous ces personnages, il y a une dimension économique, il y a une dimension esthétique. Et c'est vrai qu'il était très difficile de rassembler toutes ces dimensions dans un récit grand public, puisque l'idée évidemment c'est de partager avec le plus grand public, créer quelque chose qui soit accessible et qui soit facilement lisible et compréhensible, et c'est l'idée de Charlotte Fauve de faire de moi une sorte de passeur de tous ces personnages et de toutes ces histoires. Ce livre se déroule beaucoup, on fait des allers-retours avec à New York d'ailleurs, pour vous avez passé combien de temps en tout à New York? 5 ans et demi. 5 ans et demi, où vous êtes parti pour faire votre thèse. Et c'est pour ça que vous commencez d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, par New York. On peut trouver, page 131, quelques indices comme ça, de ci, de là, qu'il faut glaner à mesure du livre. Vous dites, page 131, la plante est la compagne des angoissés. Oui, les grandes villes se concentrent beaucoup de choses intéressantes, comme on l'a dit en ouverture, mais elles peuvent aussi générer une certaine angoisse. Et c'est vrai qu'en tout cas, je crois qu'il y a dans ce regard qu'on pose sur les plantes, dans cette attention qu'on peut leur porter, dans cette analyse qu'on va... Je crois que ça revient aussi assez souvent dans le livre, c'est-à-dire ce regard du botaniste qui va comme ça scanner en quelque sorte les végétations pour en déceler certaines formes, pour en déceler certaines structures qui vont lui permettre de commencer à comprendre, à mettre des noms, c'est très important, et je crois que c'est une source d'oubli peut-être du reste. Et c'est pour ça que je crois que ça contribue beaucoup à apporter une certaine sérénité. C'est le rapport à la temporalité aussi, hein. Les plantes ne sont évidemment pas du tout dans la même temporalité que la nôtre, et je crois que quand ces deux temporalités différentes se rencontrent, ça fait beaucoup de bien à ceux qui vivent dans la temporalité la plus restreinte et la plus rapide. Vous expliquez que, donc vous dites, il m'est arrivé de suffoquer dans les pièces vides de verdure, dans des chambres d'hôtel décorées d'un ficus en plastique. Du coup, vous avez imposé à votre colocataire à New York jusqu'à 180 espèces de plantes. Oui, c'est pas grand chose, c'est pas grand chose. 180, c'est pas grand chose. Si on prend un mur végétal de Patrick Blanc ou l'école de botanique du muséum, on aurait une diversité beaucoup plus grande. Enfin, dans un appartement, ça commence à faire, non? Oui, mais il y a toujours de la place. Vous dites par ailleurs que vous êtes d'un naturel optimiste, du moins pour la survie des plantes. Les plantes gagnent toujours. Ben c'est ce grand débat qu'on a aujourd'hui sur la crise de la biodiversité, la disparition du vivant. Je crois que ce qui est en question aujourd'hui, c'est pas complètement la disparition du vivant, c'est la disparition de la civilisation humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. La force du végétal, elle est absolument extraordinaire. Les plantes, elles sont partout, même dans les milieux, ce qu'on disait tout à l'heure, les plus anthropisés, les plus architecturés, les plus construits. La plante trouve toujours une voie. Donc il y a une force derrière qui est une source d'optimisme, en tout cas pour moi. Vous décrivez souvent, à plusieurs reprises dans ce livre, des moments d'émotion à voir germer une plante, même que ce soit dans un pot dans votre appartement new-yorkais ou un pissenlit sur un trottoir. Enfin, il y a cette émotion-là, elle est toujours intacte. C'est quelque chose au début de la découverte, c'est quelque chose auquel on s'habitue. Il y a une émotion qui vous traverse encore. Non, c'est cette force de vie, c'est exactement ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est cette capacité qu'elles ont à venir là où on ne s'attend pas forcément à les voir et à se faire une place envers et contre tout. Et ça, je trouve ça assez beau et assez fort. Ce livre, c'est une volonté finalement d'éduquer un peu aussi le regard du grand public à s'intéresser, à s'arrêter sur les plantes, à justement les regarder un peu plus. Vous disiez tout à l'heure, on connaît les espèces d'animaux, il y a une sorte de prévalence de la faune sur la flore, de vous dire, attendez, regardez un peu, il y a aussi une magie dans la flore à laquelle on est un peu plus aveugle. Tout à fait, tout à fait. Et de dire, et c'est pour ça qu'on a choisi quelques exemples comme New York ou Paris, etc., pour dire aux gens que les plantes, c'est pas les grandes forêts tropicales, les plantes, elles sont partout, elles sont autour de nous, et encore une fois, même au cœur d'une cité ou sur un parking de supermarché, il y a toujours une plante à voir, et le végétal partout tout fait son œuvre, alors que ce soit les plantes les plus faciles à voir, comme évidemment les plantes à fleurs, les pissenlits ou autres, mais les mousses, les hépatiques, enfin il y a toute une diversité à voir, et je crois que c'est important de ne pas passer à côté. Observer les plantes, c'est très instructif, elles survivent les plantes. En milieu agressif, elles cherchent la lumière en se transformant, s'allègent en s'amputant, puis se régénèrent. J'observe les plantes, c'est très instructif, je suis comme une plante. En milieu agressif, je cherche la lumière en me transformant, m'allège en m'amputant, puis me régénère. Observer les plantes, c'est très instructif. Souviens-toi, tu me l'as dit, j'y repense souvent depuis. Assis dans le jardin, je regarde le jasmin. Oui, je le vois bien, me voilà jasmin. Les plantes de Philippe Catherine à 16h35 sur France Culture, puisque nous recevons aujourd'hui Marc Janson, qui est botaniste et conservateur de l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle, pour son livre Botaniste, écrit avec Charlotte Fauve, publié chez Grasset. Et nous n'avons, comme je vous le disais tout à l'heure, bien sûr, pas pu résister à l'envie d'aller nous aussi tirer les grands tiroirs de cet herbier, de cette tour de Babel botanique du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Éléonore Pérez. Bonjour Nicolas, bonjour Marc Janson. Lynn Le Gall, qui est maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous êtes allé la rencontrer et elle travaille sur la dynamique de la biodiversité des algues. Alors oui, effectivement, j'ai visité en sa compagnie la collection des algues de l'Herbier National. Elle m'a expliqué comment se passent les expéditions sur le terrain, depuis la plongée sous-marine à la recherche de nouvelles espèces, jusqu'au rangement de l'échantillon dans l'herbier. Bien que difficile d'accès, les algues sont un outil précieux pour estimer l'ampleur du réchauffement climatique. On est ici dans l'Herbier National et dans une des salles de l'Herbier National, duquel on a des travées qui sont séparées en petits casiers. Sur chaque casier, on va avoir des liasses de spécimens. Donc je suis en train d'ouvrir ce qu'on appelle des compactus, c'est-à-dire ce sont des travées qui roulent. Lorsqu'on parle de biologie végétale, on ne pense pas spontanément aux algues, notamment les algues rouges. En quoi est-ce important de les étudier ? Alors, les algues rouges en particulier, ainsi que les algues vertes, sont des plantes. Donc, on est vraiment bien dans cette notion de végétal. Et c'est très important de les étudier parce que ça fait partie de notre végétation sous-marine. Pourquoi recherchez-vous de nouvelles espèces ? Ça fait quand même plus de 2 siècles qu'on étudie la biodiversité des algues. Et jusqu'à présent, on l'a étudiée avec des critères morphologiques. Et depuis le milieu des années 90, on a utilisé un autre caractère pour étudier la biodiversité, qui est l'ADN. Et on s'est rendu compte, à la lumière des résultats qu'on a obtenus avec les séquences d'ADN, que les caractères morphologiques qu'on avait étudiés jusqu'à présent n'étaient pas toujours pertinents. Et donc les classifications qu'on a mises en place, on a été obligé de les réviser à la lumière de ce que nous disaient les phylogénies, c'est-à-dire l'étude des relations entre les organismes sur la base des séquences d'ADN. Comment se passe l'échantillonnage ? Comment est-ce que vous choisissez les endroits où plonger pour découvrir de nouvelles espèces ? On essaye de mettre davantage d'efforts sur les zones où la pression sur la biodiversité est la plus forte et où la richesse en biodiversité est la plus forte. On a beaucoup étudié les zones intertropicales parce que l'essentiel de la biodiversité se situe au niveau des zones intertropicales. La prochaine expédition que nous devons organiser aura lieu au mois de mai dans le cadre de la planète revisitée et on va explorer le benthos, c'est-à-dire tous les organismes marins posés sur le fond du nord de la Corse. Une fois que vous avez prélevé un échantillon dans la mer, dans l'océan, comment le conservez-vous ? On part en plongée, on va prélever des échantillons sur le terrain qui sont vivants, on les remonte et après on a souvent une structure de type laboratoire dans laquelle on va pouvoir réaliser d'une part une planche d'herbier. Les algues par rapport aux plantes, elles ont la particularité de coller sur le papier. Donc on va directement les installer sur le papier définitif, sur leur support. Et pour pas qu'elles collent au papier journal que l'on va mettre pour sécher, on va mettre un tissu, un linge qui va isoler la plante du papier journal. On va apposer une étiquette qui va référencer le lieu de récolte, la date de récolte. Et sur le terrain, sur chaque spécimen, on va prélever, idéalement on va le prélever pour chaque individu, un fragment de la plante. Pour préserver l'ADN, notre ennemi principal, c'est l'eau. L'eau va entraîner une hydrolyse de l'ADN. Donc notre priorité absolue, c'est de dessécher le spécimen le plus rapidement possible. Et pour ça, on utilise du gel de silice. Ça a des petits interstices. Et ces petits interstices vont attirer l'eau par capillarité. Donc ça va permettre un dessèchement très rapide des fragments de plantes qu'on va vouloir préserver. Donc là, je vais vous sortir des spécimens qui proviennent de l'expédition qui a lieu en Madagascar dans les années en 2010. Donc pour chaque spécimen, en fait, on va avoir une planche d'herbier. Sur cette planche en particulier, on voit 4 échantillons. Est-ce qu'il y a des différences au niveau de ces individus ? L'idée, c'est de pouvoir avoir un échantillon mâle, un échantillon femelle, de pouvoir observer donc les différences liées à la sexualité, puisque les algues ont des cycles de reproduction complexes, et aussi de pouvoir évaluer les différences morphologiques que l'on peut observer entre les individus. Sur cet exemple ici, qu'est-ce qui est important d'un point de vue morphologique et anatomique pour faire la distinction avec une autre espèce ? Alors en fait, sur chaque groupe d'algues, on va avoir des caractères morphologiques qui sont variables. Là, on est en présence d'un spécimen qui est calcifié, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est dur. Quand on le touche, il est rigide. Et donc, Pour pouvoir observer les caractères sur cet échantillon-là, il faut procéder à une première étape qui consiste à décalcifier le spécimen pour pouvoir avoir accès au tissu. Donc pour ça, on utilise un acide, on utilise du vinaigre acétique pur qui est dilué en fait après, et on va laisser tremper notre spécimen 24 heures dedans pour pouvoir avoir accès au tissu et pour pouvoir faire les observations au niveau des cellules. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'organisation des cellules les unes par rapport aux autres. Donc vous regardez en fait les algues au microscope ? Systématiquement. Sur le terrain, on a, sur les caractères morphologiques, on peut arriver à une détermination au niveau souvent de la famille, au mieux du genre, mais jamais au niveau de l'espèce. Pour pouvoir identifier une algue au niveau de l'espèce, on est obligé d'avoir recours à l'observation microscopique. En termes d'enjeux de la recherche dans l'étude des algues, est-ce qu'il y en a d'autres que la simple description des espèces ? Étudier les algues en recherche, c'est particulièrement intéressant, surtout dans un contexte de changement global. On a vu qu'il y a des algues qui sont calcifiées, et ces algues calcifiées vont être particulièrement impactées par l'acidification de l'océan. Et pour ça, on utilise des zones où on a du volcanisme, puisque le volcanisme va acidifier localement les eaux, et on étudie les gradients le long, depuis le volcan jusque vers la mer ouverte, et on regarde des communautés algales que l'on va trouver le long de ce gradient. Et puis, toujours dans le contexte du changement global, on a un réchauffement climatique extrêmement important. Et on a mis en évidence, en étudiant les algues de l'herbier qui avaient été collectées depuis 200 ans, des changements dans les communautés algales à l'échelle de la Bretagne. On voit en fait le réchauffement climatique en direct, grâce à l'herbier. En tout cas, on voit les changements imposés par le réchauffement climatique en direct en utilisant donc des séries à long terme que l'on reconstitue à partir des échantillons d'herbiers. Voilà cette nouvelle visite, puisque nous avons la chance d'y aller plusieurs fois dans ce grand herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle. On a voulu s'intéresser aux algues. Je tiens à préciser d'ailleurs que Lynn Le Gall a co-signé avec Denis Lamy un livre « Algues, étonnant paysage », qui est un très très beau livre d'illustration, justement, d'illustration, de photographie. C'est chez Delachaux et Niesley. Marc Janson, voilà, parce que parmi les végétaux, c'est vrai que les algues sont peut-être encore moins considérées que le reste des plantes dites à fleurs, des angiospermes. Oui, et puis pour certaines, encore plus difficilement accessible, puisqu'il faut, comme l'a dit Lynn, évidemment un équipement, un savoir-faire, une méthodologie, et effectivement, là encore, il y a beaucoup de choses à faire, et il y a encore beaucoup d'efforts à déployer pour lutter contre le tic-tac de la montre de cette sixième extinction du vivant qui passe, qui progresse et qui devrait encore plus nous imposer ces efforts de collecte et de description. Ces efforts, aujourd'hui, on a une idée à peu près de ce qui reste à découvrir encore dans le domaine végétal. Il y a différentes estimations. On serait entre 10 et 15% de l'ensemble du vivant, donc tous les règnes mélangés, animal, bactérien, fongique, végétal, à peu près 10 à 15% des espèces décrites. Donc l'immensité du travail est vraiment devant nous et pas du tout derrière nous. C'est pour beaucoup en général, on imagine qu'on connaît assez bien la Terre et qu'on a fait un peu le tour, mais la finitude géographique de la planète n'implique pas une connaissance exhaustive des êtres qui la peuplent. Et vraiment, il y a un énorme effort à fournir pour arriver à décrire tous ces organismes et toutes ces espèces avant que l'extinction se profile pour certaines. Comment ça se passe aujourd'hui, Marc Janson, justement, ce travail de recensement avec les outils modernes? Évidemment que les plantes ne sont plus décrites comme avant, sur des seuls critères morphologiques. Quel est l'arsenal dont vous disposez aujourd'hui en termes de technologie, de diversité de méthodes? Alors il y a déjà ce qu'il faut bien dire, c'est qu'effectivement il y a eu beaucoup d'outils qui ont été développés au cours du XXe siècle, c'est évident. Les techniques s'améliorent en permanence pour l'amplification, le séquençage de certaines séquences génétiques. C'est très important, c'est essentiel, mais reste que observer la morphologie des plantes et les collecter reste le geste de base, sans lequel rien n'est possible, puisque, comme le disait Lynn d'ailleurs dans le documentaire, on fait des prélèvements spécifiques en silica gel pour ensuite pouvoir extraire l'ADN. Donc ce lien avec le terrain, il est indispensable. Et ensuite, c'est tout cet ensemble de messages, en quelque sorte, le message de la morphologie, le message du moléculaire, qu'il faut intégrer, prendre en compte, et ensuite trancher sur les résultats qui sont parfois un petit peu divergents. Et il y a aussi autre chose qui a été développée récemment, c'est ce qu'on appelle le barcoding moléculaire. Donc ça, c'est ce que l'ONU a appelé l'obstacle taxonomique, c'est-à-dire il faut absolument décrire le vivant, on est dans un état d'urgence. Or, on manque de spécialistes, de taxonomistes, puisque, comme on l'évoquait en début de l'émission, il y a plus vraiment de formation, on manque de spécialistes. Et donc l'idée, c'était de substituer le savoir classique des botanistes et des taxonomistes par une sorte de petite machine qui serait capable, à partir d'une séquence d'ADN, de nous dire quelle est l'espèce que l'on a en face de nous. Alors. C'est-à-dire du prélèvement, de la métagénomique, grosso modo, on prend et on trouve des traces ADN et à partir de là, on les séquence, on se dit « ah ben ça c'est plutôt bactérien, ça c'est plutôt fongique ». Alors ça va au-delà de ça, puisque ça a été développé dans le règne animal, maintenant c'est en train d'être développé dans le règne végétal, c'est-à-dire que l'idée c'est de trouver une séquence d'ADN qui soit commune à toutes les plantes, c'est-à-dire des algues vertes jusqu'au pissenlit ou aux marguerites, mais que bien que cette séquence soit commune, elle soit suffisamment différente dans chacune des espèces pour que sa lecture nous donne une identité précise de l'espèce que l'on a en face de nous. Alors c'est encore en développement. On se rend compte que les plantes sont un petit peu plus complexes que les animaux, donc il faut un peu plus de marqueurs que ce qui était utilisé chez les animaux pour avoir une sorte de signature unique génétique pour chacune des espèces de plantes. Mais peut-être qu'un jour on y arrivera. Cependant, on peut aussi se dire que le regard humain est encore important et que les savoirs entre guillemets traditionnels sont encore essentiels aujourd'hui. Et oui, parce que quand on parle de flore ou de plantes, en fait, ce sont des catégories, comme nous l'avions expliqué il y a peu de temps, qui ne sont plus opérantes. En tout cas, quand on travaille vraiment sur la phylogénétique, là, on parle essentiellement de la lignée verte. Moi, je vous renvoie à l'émission. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission pour comprendre comment s'organise le vivant et de manière, ou en tout cas, se classifie de manière beaucoup plus complexe que ce que l'on peut imaginer, ou en tout cas, en utilisant ces catégories qui sont un peu dépassées aujourd'hui. Justement, à ce propos, Marc Janson, aujourd'hui, je le disais dans l'introduction, à l'ère de l'holobionte, où on dit que finalement, tous ces systèmes, les plantes notamment, qui fonctionnent via, qui réussissent pour la plupart d'entre elles à absorber les nutriments du sol grâce à des champignons, avec le microbiote bactérien qui est dessus, etc. Est-ce que ce travail de systématique, c'est-à-dire de classification des espèces, il a encore un sens au moment où, au contraire, on essaye de prendre en compte non plus une espèce, mais l'écosystème qui va autour? Oui, il a encore un sens, parce que pour comprendre les interactions, il faut déjà connaître les participants, donc ça implique évidemment de les décrire. Par contre, ils se complexifient, c'est-à-dire que la pensée scientifique, évidemment, a peut-être eu tendance à séparer les règnes, à séparer les espèces, alors qu'en fait, comme vous l'avez dit, elles sont pour beaucoup en symbiose. Il y a un excellent livre de Marc-André Sellos qui a été publié récemment, qui revient sur tous ces phénomènes, et qui sont à la fois né de ces nouveautés, de ces nouveaux outils et qui implique une vraie révolution de la pensée par rapport à la façon, même dans les spécimens de l'herbier. C'est-à-dire que sur un spécimen d'herbier, si vous êtes dans l'herbier des plantes vasculaires, dans les plantes à fleurs, vous avez un nom de plante à fleurs, mais peut-être que sur les feuilles de cet herbier ou sur le bois, si c'est une espèce ligneuse, vous allez trouver des lichens, des bactéries, des champignons. Et donc, même en gestion des collections, c'est-à-dire cette immense collection qu'on a en face de nous et qu'on gère au quotidien, eh ben, ces nouveaux concepts impliquent vraiment de nouvelles approches et de nouveaux réflexes. L'herbier, vous l'expliquez dans votre livre, on en parlait tout à l'heure, il a été rénové, il a été numérisé. Est-ce qu'il y a eu aussi, évidemment, un énorme travail de reclassification à faire? Oui, c'était un des aspects du chantier qui est aussi extraordinaire. Il y a eu donc une grande rénovation. On a attaché aussi presque 1 million de spécimens qui, jusqu'à la rénovation, étaient un peu restés dans leur caisse, dans leur malle, dans leur sac, puisque, comme a dit Lynn d'ailleurs tout à l'heure, on prend des notes lorsqu'on fait la collecte. La collecte, le matériel végétal, on le presse, on le sèche dans du papier journal. Et ensuite, les notes qui correspondent aux informations que l'on doit associer aux spécimens, elles sont consignées dans ce qu'on appelle un carnet de récolte. Et donc, quand le matériel collecté revient à l'herbier, ou en tout cas au laboratoire, au jardin botanique dans lequel on travaille, c'est vraiment de la responsabilité du botaniste de générer ces étiquettes par rapport aux notes qu'il a prises sur le terrain et de les associer au matériel végétal. Et pour beaucoup, cette première étape indispensable n'avait pas été faite. Et ensuite, on les a donc numérisées, on a changé la disposition du bâtiment pour pouvoir en accueillir plus, pour pouvoir prévoir cet accroissement qui continue aujourd'hui. Et au moment de faire revenir ces spécimens dans les collections, il a été décidé de changer la méthode de classification. Donc aujourd'hui, c'est c'est un système qui s'appelle APG3. En fait, on est entre APG3 et APG4. APG, c'est pour Angiosperm Phylogeny Group. Et c'est vraiment cette nouvelle approche qui prend en compte à la fois la morphologie, mais aussi le moléculaire, et qui donne une vision des plantes, de leurs relations et de leur évolution, qui est nouvelle par rapport à l'ancienne classification qui datait de 1935 et qui préexistait à la rénovation. Comment ça se passe aujourd'hui, justement, une campagne de collecte concrètement? C'est par rapport à ce que vous avez pu connaître ou par rapport à ce que vous avez pu lire, ce que les récits dont vous parlez dans votre livre. Aujourd'hui, racontez-nous par exemple une campagne classique quand vous partez dans la forêt ou n'importe où. Comment se déroule une journée de collecte? Une journée de collecte, il y a déjà toute la phase de préparation. Évidemment, tout ça ne s'improvise pas. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte législatif très particulier, très différent de ce qu'ont pu connaître les naturalistes du 18e, puisque cet accès à la biodiversité est de plus en plus réglementé, notamment par une dernière série d'accords qu'on appelle les accords de Nagoya, et qui sont en quelque sorte une réaction des pays du Sud. Pour les algues comme pour le reste, le maximum de la diversité se trouve dans les zones intertropicales, et beaucoup de ces pays ont réagi par rapport à d'anciennes pratiques de pays du Nord, si on peut utiliser ce terme, qui venaient en quelque sorte se servir dans la biodiversité du Sud et dans les savoirs associés autour de ces plantes qui peuvent soigner, qui peuvent permettre de développer des molécules cosmétiques. Et se sont dit en quelque sorte, mais vous utilisez cette biodiversité qui est la nôtre. Alors après, on peut poser la question de l'appropriation de la biodiversité. Est-ce que la biodiversité appartient à une nation ou est-ce qu'elle appartient à un commun plus important? En tout cas, toujours est-il que cette réflexion, cette défense en quelque sorte contre ce qu'on a appelé le biopiratage, la biopiraterie, a été consignée sous forme de texte qui nous impose aujourd'hui des démarches administratives très, très lourdes. Donc il y a les permis de collecte, les permis d'accès aux différents parcs nationaux, si on collecte dans des parcs nationaux. Et ensuite, il y a tous ces papiers relatifs aux accords de Nagoya et au partage des avantages éventuels qui pourraient être tirés à partir de ces collectes qui sont à organiser. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de préparer le terrain pour savoir exactement où l'on va. C'est-à-dire, on se base aussi sur des spécimens d'herbiers pour savoir où telle espèce a été collectée. Mais souvent, en tout cas, parfois, ce sont des collectes anciennes, collectées il y a plusieurs décennies. Donc, l'idée, c'est de voir aussi qu'est devenue cette zone dans laquelle telle personne avait collecté telle espèce. Et puis ensuite, c'est de l'organisation de terrain, c'est-à-dire rassembler le matériel dont on va avoir besoin, anticiper certaines difficultés en termes d'équipement à prévoir. Et ensuite, au jour le jour, c'est récolter le plus possible et faire en sorte que la mission vaille le plus la peine, c'est-à-dire qu'on puisse rassembler le plus possible de collectes, encore une fois, en accord et dans le respect de ces documents administratifs que l'on signe. Sur ce type de collecte, vous ramenez par exemple sur des campagnes de combien de temps, vous ramenez combien de spécimens? C'est très variable, ça dépend aussi des organismes que l'on étudie. Quand on étudie des palmiers, j'en parle un petit peu dans le livre, on a souvent affaire à des plantes qui sont assez difficiles d'accès de par leur morphologie, leur architecture. Donc là où un spécialiste de toute petite fougère qui pousse en sous-bois va être capable de faire plusieurs dizaines de numéros, on parle de numéros parfois entre nous, un spécialiste de palmiers va peut-être passer une journée ou deux jours à collecter un seul individu particulièrement difficile d'accès. Alors, quelqu'un que vous connaissez, dont vous allez certainement reconnaître la voix, que nous avons contacté, avait une question à vous poser. Écoutez. Bonjour Marc, mon cher Marc. Je voulais savoir, parmi tous ces botanistes et ces explorateurs, quel était celui dont l'aventure te passionnait le plus? Merci. Stéphane Marie, donc, que vous avez reconnu, Marc Janson. C'est une bonne question et c'est une question difficile. Ils peuvent me fasciner ou m'intéresser pour différents aspects, peut-être Adanson quand même. J'aime beaucoup Adanson. Il avait apparemment un sale caractère, mais il avait une sorte d'approche absolutiste des choses, c'est-à-dire il cherche vraiment à consigner tout ce que peut porter l'espèce qu'il collecte, à la fois dans les savoirs traditionnels, à la fois dans les usages que l'on puisse en faire, à la fois dans ses spécificités biologiques, ses caractéristiques particulières. Et il a cette espèce de passion pour la diversité tropicale qui fait que c'est quelqu'un pour lequel j'ai quand même un grand intérêt et un immense respect. Pourquoi un sale caractère? Parce qu'apparemment, ce qu'en disent ses collègues, c'est qu'il était assez difficile. Mais c'est peut-être justement cette soif d'absolu, puisqu'il voulait absolument publier tous ses savoirs dans une espèce de publication fleuve et absolument complète. Et il y a eu, je crois, pas mal de frustrations dans son existence, même si c'est un petit peu anachronique d'utiliser ce terme pour parler d'un homme du XVIIIe siècle. Mais c'est assez compréhensible. Vous regrettez, Marc Janson, qu'aujourd'hui, ses carrières de botanique soit encore très largement sous-financée, qu'il n'y ait pas vraiment de reconnaissance. Vous avez le sentiment aujourd'hui que malgré tous ces progrès qu'on évoquait, ces progrès justement de la génomique, des différentes formes d'identification, de classification, malgré l'urgence de la chute, de l'effondrement de la biodiversité, ça n'est toujours pas reconnu au niveau auquel il faudrait que cela soit. Alors ça n'est toujours pas reconnu en termes de formation et de financement, mais ça n'est même tout simplement pas assez reconnu, je crois, dans l'esprit public. C'est-à-dire que je pense que peu de gens ont conscience déjà de qu'est-ce que c'est que cette biodiversité, cette espèce de concept qu'on utilise très régulièrement, que l'on rencontre de plus en plus souvent, et qui pourtant cache une science, une approche particulière. Donc l'un des objectifs du livre, c'était aussi d'expliquer ça. Et puis, je crois que malheureusement, effectivement, il y a jamais eu autant de bonnes raisons d'investir très très largement dans cet effort de description du monde vivant. On évoquait tout à l'heure les 10 à 15% seulement du monde vivant qui ont été décrits et qui seraient connus, parce qu'évidemment c'est difficile de faire une estimation sur quelque chose qui par définition est inconnu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'immense travail est devant nous et que malheureusement, je crois qu'on n'avance pas du tout assez vite. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'appels à la science participative. Il y a aujourd'hui des applications qu'on peut se fournir sur les téléphones portables pour reconnaître des plantes, pour les photographier, pour agrandir les bases, pour agrandir justement la description. Je crois qu'il y a même un programme qui est lié au Muséum National d'Histoire Naturelle de science participative lié précisément à la botanique. Oui, qui s'appelle Viginature, qui est très diversifié. Ça concerne les oiseaux, les papillons ou même les plantes. Avec la rénovation de l'herbier, on a aussi développé un système de science participative pour bénéficier de l'aide des citoyens pour nous aider à compléter la base de données. Mais le problème, c'est que les changements vont quand même très vite et que je crois que les efforts qui sont consentis pour contribuer à poursuivre cet effort de description du vivant, mais aussi de documentation. C'est très important de continuer à enrichir ces collections aujourd'hui, parce que, bien sûr, elles nous permettent de poser des noms et de fixer des noms. C'est la notion de type, c'est-à-dire quand on crée une espèce nouvelle, on va aussi désigner du matériel dans les collections d'histoire naturelle qui est en quelque sorte la référence, mais c'est aussi véritablement des marqueurs de l'évolution dans le temps de la distribution des espèces, végétales en l'occurrence si on parle de l'herbier, et ça c'est infiniment utile et précieux aujourd'hui. Or, on a à la fois un manque de formation, peut-être un manque d'investissement et aussi de nouveaux obstacles entre guillemets administratifs qui viennent freiner cet effort là où il est absolument nécessaire de l'accélérer. Et on va mettre le lien vers Viginature si vous nous écoutez, si vous voulez prendre des photos, même dans votre jardin, c'est intéressant, même en ville, c'est intéressant. Photographiez les plantes, enrichissez ces bases, vous l'avez entendu, c'est une aide précieuse aujourd'hui pour la recherche en botanique. Merci beaucoup Marc Janson d'être venu nous parler de votre livre Botaniste, coécrit avec Charlotte Fauve, c'est aux éditions Grasset. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique. Demain, deux prix Nobel de physique, Donna Strickland qui était de passage à Paris et Gérard Mourou qui nous parleront donc de leurs travaux sur les lasers. Et puis, notez toujours dans votre agenda, jeudi, une date un peu spéciale pour nous puisque nous recevons Alain Damasio qui publie son nouveau roman Les Furtifs, 15 ans après la horde du contrevent. Ce sera ce jeudi dans la méthode scientifique. En attendant, on se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.